Un violeur en série présumé était mis en examen aujourd'hui. Ce cuisinier français de 24 ans est soupçonné de 5 agressions sexuelles, dont une sur une mineure de 14 ans. Les 12 sans-papiers qui observaient une grève de 5 ans. Un attentat à une nouvelle case a explosé en plein cœur contre l'incendie parti de Vaux. Stone, le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. Bon baby, c'est stop. Le monde est stone. Une avancée technologique. Au lieu de soigner nos hémorragies. C'est l'ironie du sort, je suis né sous le sol du coq. Économiquement pauvre, la mafia mondiale m'esgrogue. Y'a plus l'harmonie dans ma famille. Pubis de cul traumatise les gamines. Que Dieu nous sauve, hommes du monde. Y'a pas de gang sans armes, ni de corps sans âme. Peu de mer sans larmes, y'a presque plus d'air. Le temps moderne est lourd, on se déshydrate à l'eau de feu dans le gouffre. On meurt un peu chaque jour. Charme, la misère n'est pas moins pénible au soleil. Aux Comores, combien rêvent de Marseille à moins 5 l'hiver. Alors qu'ils savent qu'ici on est ado masochiste. Transperce et qu'on se dessine sur le corps, qu'on combat le fasciste. Et que le fric c'est le frère de l'égoïsme. Que les côtoyer c'est perdre les proportions et le réalisme. Liste. Combien de gens sont incompris donc se désistent. Cette phobie existe, c'est triste. Ce qui arrive au monde Mbappé, victime d'être voyant. Contaminé avant de lire la consonne, la voyelle. Les années passent comme les mois comme les semaines passent comme les jours. Et l'Afrique saigne, qui tient les rêves. Stone, le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. Bon baby, c'est stone. Une avancée technologique. Au lieu de soigner nos hémorragies. Je suis né à cette époque où la dalle devrait être un crime contre l'humanité. Les mentalités sont en manque de fertilité. Où la paix est avortée depuis que la colombe crame sur la flamme de la statue de la liberté. Où la jeunesse est un drame qui s'inscrit d'une politique ridée. Émission télé en pleine puberté. Là où mes larmes trempent ces lettres venues du bled. Car on préfère aller sur Mars pour mettre de l'eau et de l'électricité. Là où pour du shit tu vas au trou. Pendant qu'au jardin d'enfants les flèches de Cupidon sont tirées par du trou. Là où des bâtards confondent berceau et tombe. Là où le sang du sol est beaucoup plus cher que celui d'un membre. Là où on t'enferme pour tes idées. Où les vieux ne tiennent plus l'été. Où des mères ne connaissent toujours pas le bonheur d'allaiter. Il y a tellement de gens qui souffrent. Je peux te lever le bandeau que t'as sous les yeux. Mais faut aussi que tu les ouvres. Que t'es mal. Comme j'ai mal voir ces filles de 12 ans qu'on retrouve dans les bois, moi j'ai mal. Pour tous ces orphelins de guerre qui nous envient nos fêtes des mères, moi j'ai mal. Pour toutes ces victimes d'épidémies, de séismes et d'attentats, moi j'ai mal. Car nos enfants grandissent dans ce monde stone. Le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. Bon baby, c'est stop. Le monde est stone. Une avancée technologique. Au lieu de soigner nos hémorragies. Ok, arrêtons le massacre. Sachez que la bombe humaine a été inventée seulement pour se défendre. Donc j'emmerde ceux qui l'exploitent. À défaut de nuire, de suivre, de subir le mal des enfants qui ont les membres en plâtre. Le monde se dilate et l'oxygène nous dévore. Mais on reste diplomate face à ce monster qui nous dévore. Trop d'efforts, voyez, pour peu de réussite. Car personne suscite l'entretien d'espoir qui font que nos peaux s'irritent. C'est mort frère, quand les balles soulagent nos voix. Mort comme les morts qu'on porte le deuil lors des attentats. C'est mort frère, quand nos imams et prêtres purgent des sales peines. Alors qu'ils doivent faire de nos lieux sains des salles pleines. Mortels, comme lâcher du fric pour une pétasse. Mortels comme les mombos dans les ruines seulement pour un peso. Favelas du monde, là où les piranhas désosent. Les cris des SOS de la crainte, chargés à grosse dose. Donc signe, une pétition dans la marge. Car les grandes lignes sont faites pour les grands hommes au savoir large. À savoir large, devant nos cimetières en vie. Donc moi je rage sur l'esclavage qui n'a pas été aboli. Le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. Bon baby, c'est stop. Le monde est stone. Une avancée technologique. Au lieu de soigner nos hémorragies. Stone. Le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. naturel en medley sur tes escorts.